que t'as fait là? Pourquoi tu rougis? Tu sais, dans nos verres, il y a la vie des souvenirs. Parfois, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi tu transpires? Dans le coin de tes pensées, le feu semble éteint à jamais. Qui se prend à aimer le vent violent. Regarde un peu plus loin, le vent emporte le souffle rouge des décennies passées. Je te laisse à tes remords, ta piscine et la poussière envahissante. Tu n'as plus de mots plus haut l'un que l'autre, tu n'as plus de voix, aucun son ne vient. On peut zapper la prise de conscience quand c'est bas, tout part dans l'absence. Comme des remous vagues de l'océan qui se prend à aimer le vent violent. Remuer ces graines du passé, elles grimpent le long de nos corps, les asphyxiant à coups d'assurance ou d'ignorance. Ce qu'il faut oublier, c'est moi, je l'admets, je n'aurais pas dû revenir et réveiller ce mal en hibernation. Quelque chose qui n'existait pas encore, qui trahit tellement qu'on vieillit mal. Des remous vagues de l'océan qui se prend à aimer le vent violent. C'est promis, de l'absence tu vas en avoir, jusqu'à perdre le sens même de mon existence. Tu le veux ainsi, je me soumets, je trouve cela triste, mais c'est ton souhait. Ce que j'efface de nos histoires, il ne reste plus de traces. Une simple évocation perdue dans la mémoire, à se dire, c'était qui au juste? Comme des remous vagues de l'océan qui se prend à